tonton Charles, Olembate, Yango bakata yo kamo, kaka tanga wiso ya mero ya batonge. Boko lembanga, eh? Bolingo bapesa kaya tonton Charles, kwa kolanda bala soare na bijoure, tonton Charles. Bolingo bapesa kaya tonton Charles, kwa kolanda bala soare. Tonton Charles, tonton Charles, tonton Charles, tonton Charles, tonton Charles, Alula na ye lo yengeo Uta asomba 4 fois 4 na ye Akoma ki salela Alula bati 7e age Age a banana ye pona paston Afuma ba vitre voiture na ye Wakumba kaba mona ye te o O tonton Charles yeah. O kaye Kabilongi mona nakate bambanda se bana na ngai na kamwe yo tonton Charles a koma vedete pona mbongo tonton Charles basi balanda kae pona mbongo oba yebi yende mobikisi oya ye oba yebi mama yende samba ya mbongo Oba yepi, yende bon payeur. Oba yepi, yende jamais fauché. Mama, oh moni tonton Charles. Il suffit à yoka, à bengaye tonton Charles. Il suffit à yeba, adresse non emploi du temps d'ailleurs. À côté d'enveloppe, tonton Charles. Bingame et mi bali balanda kaye pona mbongo Makoma ba surveillant e Ya tonton Charles Tonton Charles Aye mi ba seme kite o Ba si nyonso komona na miso na ye Asi na ye Ba kamarade ya banana e Ba si nyonso ba si na ye Ba si ya baninga na ye Ba kamola kaye ba si na ye Oh tonton Charles Na lobi na yo Li solo yo Eza li solo eza molai Na lobi no Bolite Bolite Papa, grand frère Na lobi na yo Na lobi soute Yo mogo yibi tonton chal Koutana na ye Moko yeba Denge tonton chal Ah Ako bala kokuwa kambango na helikopter Kiye Bolingo bape sakayo tonton Tonton Charles. Cheval, Cheval, Cheval Vapeur. Sans la solidarité.